Chapitre 8e. Monsieur Dargaud avait dit à sa femme ce que Morière pensait de sa taille. Il devait répéter sa phrase. Si Madame Dargaud s'habillait comme tout le monde, elle aurait la plus jolie taille de Paris. Puis il avait conclu. « Vois-tu, ma petite chérie, tu as tort de t'entêter à ne pas porter de corset. On doit être comme tout le monde. » Et Christiane, qui trouvait qu'on doit au contraire être comme on est, s'était dit tristement, se rappelant les idées toutes pareilles de son mari et du marquis, idées toujours opposées aux siennes. « Ils ont raison, il faut être comme tout le monde. » Docilement, elle avait répondu, en affectant de rire, « Je mettrai un corset, puisque M. de Morière et toi vous le voulez, ça m'est égal. » En vérité, cela ne lui était pas égal du tout. D'abord, elle pensait qu'elle serait malade, et puis, elle tenait à sa ligne, beaucoup trop intelligente et artiste pour ne pas savoir que cette ligne, qui était charmante, perdrait à être dérangée. Par exemple, c'est Montaut qui allait être content. Elle n'avait parlé à son mari ni de la vente de ses diamants, ni de sa visite chez Montaut. Elle tenait à lui apparaître tout à coup transformée, à lui faire cette surprise qui le ravirait, car, malgré sa répugnance à abandonner les formes qu'elle aimait, elle était forcée de reconnaître que les robes du couturier l'embellissaient au point de vue mondain. Il avait très bien compris sa taille et sa beauté. Il s'était plu à draper sur elle des étoffes molles ou cassantes, à les laisser, pour ainsi dire, se rouler ou se briser d'elles-mêmes autour de son corps souple et nerveux. Il avait su adapter son art à cette beauté parfaite et singulière, faite de lignes très pures et d'une excessive mobilité d'expression. Le premier jour, quand il prit mesure à la jolie femme en qui il flairait une cliente d'avenir, il se dit que, pour la bien habiller, il fallait voir et comprendre les diverses femmes qui étaient en elle. Elle pouvait tout porter, tout oser, à condition que toujours on laissât sa personnalité dominer sa toilette. Il ne fallait pas faire d'elle, ainsi qu'il faisait de ses clientes habituelles, une femme Louis XIV ou Henri II ou 1830, en somme un tableau. Ici, le tableau était tout fait. Il ne s'agissait que de l'encadrer, mais dans un cadre digne de lui. Et Christiane, en essayant une dernière fois ses robes terminées, s'était rendu compte que l'admiration des essayeuses et du couturier pour leur ouvrage n'avait rien de forcé. Elle se trouvait si prodigieusement changée qu'elle se regardait avec une curiosité naïve, toute ravie de se voir jolie et heureuse en songeant la joie et l'étonnement de Jacques. En s'apercevant dans les hautes glaces qui lui renvoyaient son image radieusement jeune et fraîche, toute svelte dans la robe de satin blanc qui la moulait, toute onduleuse malgré le corset qu'elle s'était décidée à mettre, elle avait aussi pensé à M. de Morière. C'était à lui, pourtant, qu'elle devait cette transformation. Au fond, tout au fond d'elle-même, elle regrettait la Christiane de la veille, la Christiane si simple dans ses robes droites, avec sa silhouette un peu indécise. Cette Christiane première manière qui déjà lui semblait s'effacer de son souvenir. Et quand, après avoir essayé les 5 robes qu'elle faisait faire, elle remit son costume de drap gris, quand elle renoua devant la glace les brides de sa petite capote tranquille couronnée de bleuets, elle se sourit comme à une vieille amie. Elle se retrouvait. Tout à l'heure ce n'était pas elle, mais une dame qui lui paraissait très belle et qu'elle regardait avec un certain respect. En sortant de chez Montaut, elle renvoya sa voiture et flâna dans la rue de la Paix et dans la rue de Rivoli. Elle comprenait que maintenant elle ne passerait plus inaperçue. Jusqu'alors, malgré sa beauté, elle avait pu se promener sans attirer trop les attentions banales de ceux qui regardent la femme élégante plutôt que la femme jolie. C'était fini. Cette liberté d'aller et venir sans entrave, elle ne l'aurait plus jamais. Elle rentra un peu lasse et très triste, comme si elle venait, lui semblait-il, d'enterrer une amie. Elle fit le tour des armoires à robes, ouvrit les cartons à chapeau, donna à sa femme de chambre tout ce qu'elle pouvait porter, et fit enfermer tout le reste, sauf les peignoirs et la lingerie, avec beaucoup de sachets parfumés dans de grandes caisses. Elle ne voulait plus rien voir de ce qui lui rappellerait l'ami quitté, mais elle tenait à garder d'elle un souvenir. Elle assista à ces emballages, très sérieuses, comme à une sorte d'ensevelissement. Quand ce fut fini, quand les grandes caisses furent remontées dans les combles de l'hôtel, alors elle retrouva sa gaieté et ne pensa plus qu'à préparer avec une joie de gamine la surprise de Jacques. Lorsqu'il rentra pour le dîner, elle disait, étendue sur le divan de son cabinet de toilette, enveloppée dans une longue blouse de crépon blanc. Il s'assit à ses pieds au bout du divan et demanda, « À quelle heure veux-tu la voiture ce soir ?» Elle répondit interrogativement comme si elle cherchait « Ce soir ». Il s'écria presque ému de lui voir oublier une chose de cette importance. « Mais c'est le dernier mardi de Madame de Bouillon ce soir. Le dernier avant le bal des légumes. Nous ne pouvons pas nous dispenser d'y aller. » Elle répliqua du même ton indifférent. « Allons-y, je veux bien, moi. » Il demanda inquiet. « As-tu une toilette, au moins ?» Elle se mit à rire. « Certainement, j'ai une toilette. J'en ai même plusieurs. »« Oh oui, mais ce que tu appelles des toilettes, tu n'es pas difficile, toi. Tu l'es pour deux. »« Enfin, par toilette, moi j'entends une robe jolie et fraîche. En as-tu une ?»« Mais oui, je te dis. »« C'est toujours très élégant, chez les Bouillons. Comme les appartements sont superbes et qu'il y a de la place, on met les plus jolies robes. » Je te promets que j'en aurai une très jolie. Montre-la-moi. » Il se leva, faisant pas vers la porte de la chambre en robe. « Mais non !» fit brusquement Christiane. « C'est absurde, ce tatillonnage. Tu ne veux pas me la montrer? Tu vois, ça doit être quelque horreur. » L'affaire s'engageait mal. Madame d'Argonne se leva, décidée à ne pas le laisser entrer dans la chambre. « Mon pauvre Jacques, » dit-elle en riant, « quel dommage que tu ne sois pas une femme. » « Une femme ? Parce que je veux que tu sois jolie et bien mise. Ainsi, tiens, tu m'avais promis de t'habiller chez Montaut. Je te le promets encore. Oui, pour ce que ça te coûte, tes promesses. » Elle pensa. Ça me coûte déjà 7 000 francs. Puis, très gentille, elle reprit. Je le ferai, tu peux en être sûre, oui. Je lui ferai faire mon légume du bal Bouillon à Montaut. Ça n'a précisément aucune importance, un costume. La coupe n'est rien. Pourvu que ça soit drôlement chiffonné, ça va toujours. Le premier costumier venu le ferait aussi bien. Ce qu'il faudrait demander à Montaut, c'est une belle robe du soir, comme celle que Madame de Treuil avait dernièrement chez elle, par exemple. Écoute, je ferai faire la robe que tu voudras. Tu viendras la commander avec moi, es-tu content ? Elle lui passa ses bras autour du cou, souriante, toute rose de plaisir en pensant à la tête qu'il ferait en la voyant chez les Bouillons. Il se pencha vers elle, la regardant avec une tendresse mêlée d'agacement. Mais apercevant dans la glace la fine silhouette de son dos et de ses reins sur lesquels l'étoffe mince plaquait, tendu par le mouvement des bras levés, il murmura « Comme tu es faite !» Et il ajouta avec un soupir plaintif « Ah, si tu savais mettre en valeur tout ça !» Elle répondit précipitamment, voulant détourner la conversation « je saurai !»« Mais ne me tracasse pas, parlons d'autre chose. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» J'arrive du polo, c'était charmant, il y avait beaucoup de monde, tu as tort de n'y jamais venir. Ça ne m'amuse pas, j'aime trop les chevaux pour aimer les voir massacrés, ça m'agace de regarder jouer. Veux-tu que nous allions demain au tennis ? Demain je vais au salon des Champs-Élysées avec Madame de Givray. Encore ? Toujours Madame de Givray. Je t'assure, ma chère petite, que tu te fais un tort énorme en te montrant ainsi avec Madame de Givray. Je ne te demande certainement pas de ne plus la voir. Elle murmura narquoise. « Ah, tant mieux. Mais tu pourras l'avoir moins. Quant à ça, non. Je subis toutes les relations qui te conviennent et qui m'assomment. Il est bien juste que j'ai au moins une amie, que j'ai du plaisir à voir. Madame de Givray n'est pas de ton âge. Elle me plaît comme elle est. » Monsieur d'Argonne soupira de nouveau. « Ah, que tu es donc enfant, ma petite Christiane, et que tu as peu le sentiment des choses. » Je ne suis ni lâcheuse ni utilitaire, c'est vrai. J'ai même l'horreur de ceux qui sont tels. Tu parles comme Chani. Je pourrais parler plus mal. Le comte demanda, revenant au seul sujet qui l'intéressa réellement. Comment vas-tu te coiffer ce soir ? Toujours plat, naturellement. Avec ton petit trognon de cheveux serré bas sur la nuque ? Alors que tu pourras avoir une superbe torsade grecque, ou des belles coques 1830. Avec des cheveux d'1 m 25, on fait tout ce qu'on veut. « Je me coifferai autrement ce soir. Ce sera très bien, tu verras. » Il secoua la tête. Il se méfiait. Après le dîner, Christiane n'eut plus qu'une idée, se débarrasser de son mari. Fernand allait venir la coiffer. Il ne fallait pas que M. d'Argonne le vît, ni même qu'il vînt chez elle demander n'importe quoi pendant qu'elle s'habillerait. Elle s'approcha de lui, câline. « Je te laisse fumer paisiblement. Moi, il faut que j'aille me coiffer de bonne heure. Je serai très longue. » « Je n'ai pas l'habitude de m'onduler. » Il poussa un cri de triomphe. « Ah, tu te décides enfin à t'onduler. » « Oui, seulement tu vas me promettre de me laisser absolument tranquille. Si tu as quelque chose à prendre chez moi, prends-le maintenant. Je ne veux pas que tu montres le bout de ton nez. Je te préviens d'ailleurs que je vais me barricader jusqu'au moment du départ. » Il répondit, engourdi déjà par son cigare, « Comme tu voudras. » Christiane savait bien que dès qu'il serait seul, il s'endormirait. Elle ne le fit éveiller que très tard, alors qu'elle avait presque fini de s'habiller, et elle était déjà montée en voiture quand il arriva, se pressant, grognant un peu. « Tu as oublié de me faire réveiller ?»« Je n'ai pas oublié, mais j'ai pensé un peu tard. »« Il n'est d'ailleurs que l'heure. » Il était 11h20, et c'est à 11h qu'il devait partir. Mais Jacques, qui était souvent en retard, avait, comme presque tous les hommes, cette petite faiblesse de n'en jamais convenir. Et si par hasard il en convenait, il trouvait mille prétextes pour expliquer ce retard. On avançait, ou bien sa montre s'était arrêtée, ou encore il avait été cramponné par quelqu'un. Il attachait une importance énorme à prouver qu'il n'était pas en faute, et il commençait toujours son petit boniment par ces mots « Moi, qui ne suis jamais en retard ». Quand il crut avoir bien démontré à Christiane qu'il était à peine l'heure, il parla de ce qui, pour l'instant, occupait tout le monde, la liaison supposée de Morière et de Madame de Treuil. « Hein ? » fit-elle assez intéressée. « Est-ce qu'on sait que c'est arrivé ?»« On ne le sait pas positivement, mais on sait par Treuil, qu'il a dit au club, que Morière a sous-loué l'appartement de la Combe. »« Avenue Hoche ?» dit machinalement Christiane. Il répondit surpris. « Avenue Hoche, oui. Mais comment sais-tu que l'appartement de la Combe est avenue Hoche ?»« Va toujours, je te le dirai après. » Il continua, très amusé de ce qu'il avait appris. La Combe, qui est rose comme pas une, a eu la curiosité de savoir qui Morière recevait. Elle a surveillé. Et elle a vu entrer Madame de Treuil en petite toilette noire très simple. Comprends-tu ? Parfaitement. Et qu'est-ce que tu en penses ? Je ne pense rien. Voyant qu'il ne savait aucun fait précis, elle ne voulait pas parler. Jacques reprit. « Ça m'étonne un peu de Morière, lui qui aime les petites femmes blondes et délicates. » Et il conclut après avoir réfléchi. « Je sais bien que la baronne est rousse à présent et qu'elle a un chic épatant, mais enfin, c'est pas du tout le modèle d'André. » Le trajet était très court de chez les Dargonnes à l'hôtel des Bouillons. Christiane descendit lestement du coupé et, tandis que Jacques donnait les ordres au valet de pied, elle monta le grand escalier tout rempli de fleurs. Elle s'était hâtée de défaire son manteau, un très beau manteau de velours soufre, brodé d'argent, avec au col Henri très évasé des turquoises semés sur le velours. En venant, Jacques ne l'avait pas distinguée dans l'obscurité de la voiture, et elle voulait l'enlever avant qu'il l'aperçût pour éviter toute question. Préoccupée, craignant de faire attendre sa femme, il monta en courant et entra derrière elle sans même la voir. Debout à l'entrée des salons, Madame de Bouillon recevait ses invités. Ce fut l'ahurissement qui se peignit à la vue de Christiane sur sa face rouge de pivoine épanouie qui attira l'attention de M. Dargonne. Tout d'abord, il ne se rendit pas compte que cette femme à la taille exagérément fine, aux hanches pleines, arrêtée devant lui, était la sienne. Et quand elle se retourna, lui disant « Je vois là-bas Madame de Givray, je vais la retrouver. » Il resta bouche bée, en extase, sans faire la moindre observation. Dans son ravissement, il aimait tout le monde, même Madame de Givray. L'admiration provoquée par la beauté de sa femme le transportait d'aise. Sa vanité, enfin pleinement satisfaite, le rendait indulgent, élargissait un peu ses idées. Et telle était sa joie que, se penchant vers Christiane qui souriait, il ne put s'empêcher de lui dire très bas « Je t'adore, ma chérie. » D'un ton distrait, elle répondit « Moi aussi. » Elle venait d'apercevoir Morière qui, de loin, la regardait, étonné et curieux. Il écoutait à peine Madame de Treuil qui lui parlait, visiblement énervée, s'éventant trop vite, et regardant elle aussi, mais avec une malveillante surprise, cette transformation qui l'inquiétait. Christiane comprit que de cet instant commençait la lutte. Elle cessait d'être la femme très jolie et très modeste, à laquelle son effacement faisait pardonner sa beauté. Elle traversa le salon de son pas glissant, marchant vers la petite de Givray qui la regardait venir. Et ce fut en lisant dans les yeux malins et heureux qui se posaient joyeusement sur elle que, certaine de son succès, elle cessa de douter d'elle-même. Elle s'assit, et Rosette, lui montrant d'un mouvement de son petit menton volontaire les têtes étonnées qui regardaient, déclara « Pour un effet, c'est un effet. » Elle ne répondit pas. elle se jugeait ridicule à être ainsi examinée comme un phénomène. Gênée par son corset, par sa robe, par ses cheveux qu'elle n'avait pas attachés elle-même, elle s'imaginait qu'elle devait paraître mal à l'aise et gauche, et pour la première fois, elle se préoccupait de son attitude et de ce qu'on pensait d'elle. Madame de Givray riait en regardant son cousin Morière. Elle se pencha vers Christiane. « Il est tué, André. » Madame de Treuil aussi. Elle se demande pourquoi. Quand Montaut lui fait une robe de satin blanc, comme la vôtre, ça doit être pareil. Ça ne ressemble pas. Ça la rend perplexe. Et le père Salomon ? Regardez-le, le père Salomon. Je parais que je sais ce qu'il se dit. Qu'est-ce qu'il se dit ? Qu'avec tous ces millions, il ne peut tout de même pas se payer une femme comme ça, et ça l'embête. Madame d'Argonne haussa les épaules. Elle souriait, très heureuse. Son mari, à l'autre bout du salon, en face d'elle, causait avec madame de Vaunancourt. En parlant, il ne la perdait pas de l'œil, et elle pensait. Il est content. Il me trouve jolie. Il m'aime. Il m'aime bien plus. J'en suis sûre qu'il ne m'a jamais aimée. Elle écoutait, distraite, les bourdonnements du salon. Derrière elle, debout dans une porte, le colonel de Triel causait avec le comte Salomon. De sa grosse voix rugueuse et éraillée, il expliquait « C'est extraordinaire. Quand, il y a 3 ans, j'ai pris le commandement du régiment, il était excellent. L'an dernier, il était moins bon. Et cette année, il est tout à fait mauvais. » Et le banquier, jouant la surprise, répliquait, toujours poli, « C'est très particulier. » Derrière elle aussi, Dantin questionnait M. de Fercy. « Comment, alors sérieusement, vous aimez Cavaignac ?»« Oui, monsieur. J'aime ceux qui ont fait de la musique au Chécard, » grondait le marquis. « Mais pour quelle raison, car ?»« Probablement pour la même qui fait que vous ne les aimez point. » Morière, après avoir salué plusieurs personnes et tournaillé de son air correct et nonchalant dans le salon, vint s'incliner devant Madame d'Argonne. Rosette, qu'il suivait des yeux, pensa « Ou je me trompe fort, ou il est en train de s'emballer pour tout de bon. Je ne l'ai jamais vu comme ça. » Pour tout le monde, M. de Morière était exactement le même que de coutume, avec son bel aplomb, son aisance aimable, son élégance extrême. Mais pour sa cousine, qu'il connaissait si bien, il y avait dans son salut un peu plus de raideur, dans ce regard moins de câlinerie voulue. Il était évidemment intéressé au plus haut point, et il tenait à ne pas le laisser voir. Sa préoccupation était telle qu'il oublia de dire bonjour à Rosette. Elle lui cria « Tu ne me reconnais pas ?» Et elle ajouta en riant, voulant le troubler « Je ne suis pourtant pas changé, moi. » Il lui tendit la main « Je ne te voyais pas. » Et se tournant vers Christiane, « Vous valsez, madame ?» Elle hésita et répondit « Ça dépend. » « Du valseur ?» « Non, des jours. Il y a des jours où j'ai envie de valser, d'autres pas. » « Puis j'espérais qu'aujourd'hui... » Elle répondit non avec vivacité, puis voulant n'importe comment expliquer son refus, elle dit « Il y a trop de monde. » La vérité, c'est qu'elle ne voulait pas abîmer sa jolie robe. La voir marbrée par la cire du parquet, salir à la taille, par les mains. Elle tenait à cette robe, non seulement parce qu'elle la faisait jolie, mais aussi parce qu'elle coûtait 1300 francs et qu'elle trouvait dommage de la faner en une fois. Le marquis insista. « Ainsi, la première grâce que je vous demande, vous me la refusez. Voulez-vous au moins venir au buffet ? Mais j'arrive à l'instant. C'est égal, il fait tellement chaud. Et il y a une boisson exquise, avec des framboises, de la glace pilée et du vin du Rhin. Il faut absolument que vous goûtiez ça. » Elle se leva et prit le bras de Morière. Il se garda bien de lui faire un compliment, mais elle sentit, tant que dura leur promenade, ses yeux peser lourdement sur elle. « Pourquoi, demanda-t-il tout à coup, ne voulez-vous pas valser avec moi ? Je vous assure que je valse bien. Je n'en doute pas. Eh bien alors ? Eh bien, je vous l'ai dit. Il y a des jours où je n'ai pas envie de valser, et aujourd'hui est un de ces jours-là. J'aurais cru, moi, qu'à 20 ans, on a toujours envie de danser. » Elle dit en riant, « Mais je n'ai plus 20 ans, vous savez. » « Ah, bah, quel âge avez-vous donc ? J'ai 23 ans. » « Oh, la vieillesse. » Et suppliant, « Une toute petite valse. Je serai si heureux. Voyons, un bon mouvement, je vous en prie. Demandez-moi autre chose. Mais quoi ? Je ne sais pas ce que vous voudrez. » Il s'inclina vers elle un peu et respirant le parfum du gardénia attaché au haut de son corsage, près de l'épaule, il murmura « Cette fleur, voulez-vous ? » Elle fit un mouvement de refus. « Vous ne voulez pas non plus, vous voyez bien. Vous aimez encore mieux me donner ma valse ?» Il appela M. Dargonne qui causait avec Givray. « Tu sais, Jacques, que ta femme refuse de danser avec moi ?» Le comte s'approcha, mécontent. « Pourquoi refuses-tu de danser avec lui ?»« Je ne refuse pas de danser avec lui. » Elle se reprit. « Avec M. de Morière. Je refuse de danser, voilà tout. » Mais devant le regard suppliant de son mari, elle ajouta « D'ailleurs, ça n'a pas une telle importance et je ne suis pas entêtée. » Elle se tourna vers Morière. « Quand vous voudrez. » Il s'inclina et passant son bras autour de Christiane, il l'entraîna sans un heurt, sans une secousse, à travers le flot des danseurs. Il valsait à ravir et il le savait. Madame Dargonne, qui adorait la valse, mais qui valsait peu pour ne pas être la proie des maladroits et des brutaux, se sentit tout de suite en confiance et s'abandonna, légère et souple, au bras qui la serrait doucement. Et tout au plaisir de cet exercice qu'elle aimait passionnément, elle oublia la robe de manteau, l'inquiétude mal définie que lui inspirait habituellement Morière, l'insistance avec laquelle il lui avait demandé la balle sous la fleur qu'elle ne voulait pas lui donner. Elle s'appuya franchement à son épaule, le poussant parfois, quand il ralentissait, de tout l'élan de son corps jeune et musclé. Quand ils s'arrêtèrent enfin, un peu las et très heureux, elle n'avait plus de pensée, elle savait seulement qu'elle venait de passer un instant délicieux. Elle en avait au marquis une sorte de reconnaissance étonnée. Elle entendit M. de Fercy qui, la regardant, disait à Vaudancourt « Crémantin, qu'elle est jolie !» Montrant Morière, il ajouta « Lui aussi, ça fait une belle paire de trotteurs. » Vaudancourt répondit « Jamais je n'ai vu Madame Dargonne jolie comme ce soir. » André de Morière était trop adroit et trop bien élevé pour faire à Christiane un compliment direct, mais il murmura en souriant « C'est vrai ce que dit Vaudancourt. » Et comme elle n'avait pas l'air de comprendre « Oh, vous m'avez très bien entendu. » Il n'insista pas davantage. Les sourcils froncés, les yeux durs, Madame de Treuil le regardait fixement. Il demanda « Je vous reconduis à la place où vous étiez ?»« Oui. » Quand il l'eut ramenée près de Madame de Givray, elle lui dit gentiment « Je vous remercie. Vous valsez joliment bien. Je ne connais que Monsieur de Chagny qui valse aussi bien. » Il demanda « Alors, nous recommencerons ?»« Tant que vous voudrez. » « Prenez garde, vous verrez comme je suis indiscret. »« Ce pauvre André, » fit la petite de Givray, « est-ce qu'il va être attrapé ? Regardez un peu les yeux d'Agar. »« Pchut, voilà M. Salomon qui vient, » dit vivement la comtesse. Rosette répondit en riant. « Oui, et j'ai idée que cette fois, ce n'est pas pour moi qu'il vient. » Le banquier salua, en disant à brûle-pourpoint à Madame Dargonne, « Vous avez une bien jolie robe, et qui vous va ?» Puis, apercevant une des petites chaises Louis XVI, il alla la prendre et s'y posa en la faisant gémir. Même le soir, même dans la foule, il savait découvrir une de ces chaises fluettes qui l'attiraient. Rosette le suivit de l'œil pendant qu'il s'asseyait, s'attendant toujours à entendre les fines colonnettes cannelées craquer et s'écarter sous son poids. Et quand elle vit que tout se terminait sans désastre et que le père Salomon s'installait peut-être pour longtemps, elle pensa qu'elle scie. Et elle regarda Madame Dargonne d'un air navré. Le banquier demanda « Avez-vous entendu dire qu'on va présenter M. Fruling au club ?»« À quel club ?» dit Rosette. « À l'épatant ?»« Mais non, au jockey !»« Mon gendre croit qu'il y aura du tirage. »« C'est probable, » fit Madame Dargonne en regardant le jeune homme qui, debout dans l'embrasure d'une porte, semblait s'ennuyer à crier. La petite de Givray murmura « On ne sait pas. » Treuil passait avec Chagny et Chagny demanda « Est-ce qu'il y a encore une petite place dans votre coin ?»« Deux petites places ?» implora le baron. « Je ne me suis pas encore assis ce soir, j'ai les jambes cassées. » Le comte Salomon avait en Chagny une confiance illimitée. Pour lui, Chagny savait tout et devinait ce qu'il ne savait pas. Tout de suite, il l'interrogea. « Et vous, monsieur le vicomte, qu'est-ce que vous en pensez de la présentation de monsieur Fruling au jockey ?» Le père Salomon s'intéressait au petit Fruling. Parce qu'il lui semblait que le jeune homme avait chez Madame de Bouillon une situation analogue à celle qu'il avait lui chez sa fille. Il voyait dans ce doux garçon, si blond et si timide, un méconnu comme lui. Il trouvait que tous les deux, ils eussent dû être considérés en raison de leur rôle très dissemblable en apparence et très pareil au fond. Tous deux, ils étaient le nerf de la maison. Sans le petit Fruling, la princesse, qui avait une âme tendre, s'en irait à la dérive comme une chaloupe désemparée. Sans lui, Madame de Treuil, qui avait une âme pratique, verrait disparaître le luxe qui était toute sa vie. Chagny répondit « Mais je ne sais pas ce qui se passe au jockey, moi. Ça ne vous intéresse pas ? Pas du tout. » « Oh, que c'est singulier !» fit le banquier stupéfait. « Moi, il me semble que si j'étais du jockey, ce qui s'y passe m'intéresserait énormément. Mais peut-être que si j'en étais, ça m'intéresserait aussi. Tout arrive. Comment ?» balbutia M. Salomon éperdu. « Vous n'êtes pas du jockey ?» Ainsi, son idole n'était pas du jockey. Et il ne l'avait pas su plus tôt. Il comprenait maintenant l'amabilité du vicomte. C'était un monsieur qui n'était pas arrivé. Un homme du monde incomplet et partant moins dédaigneux que les autres. Mais son effarement ne connut plus de bornes quand Chagny continua paisiblement. « Je ne suis d'aucun cercle. » Voyant la tête du banquier, il reprit « Pourquoi en serais-je ? Je vis beaucoup à l'air et je me plais infiniment chez moi. Je dîne seul ou avec des amis de mon choix. Je n'aime pas à entendre potiner, ni à écouter plusieurs fois les mêmes histoires, et j'ignore tous les jeux, même le loto. Qu'est-ce que j'irai faire au cercle ?»« Mais, » dit M. Salomon, « il y a la situation que ça donne. » Chagny l'interrompit. « Je trouve que, telle qu'elle, ma situation est excellente, et je n'éprouve pas le besoin de la faire consacrer par des gens qui n'ont, à mon sens, nullement qualité pour ça. Je suis probablement très orgueilleux, mais les cercles, voyez-vous, c'est comme l'académie. Je ne comprends pas qu'on s'y présente. » M. de Treuil dit d'un ton pesant, « Vous avez peut-être raison, au fond, mon cher, mais il faut ça. Pourquoi » « Pourquoi ?» demanda Madame de Givray. Le baron répondit, « Parce que... il faut ça. » Il se crée une espèce de solidarité qui... « Eh bien, » fit Chagny, gouailleur, « je ne vois pas quel avantage il peut y avoir à se créer ainsi une solidarité avec Dupuis, par exemple. » Treuil répondit qu'au club, Dupuis était une exception. « Oui, on dit toujours ça. La fâcheuse exception, n'est-ce pas ? N'empêche qu'il a passé comme une lettre à la poste. » Le banquier, qui suivait toujours ses idées, interrogea de nouveau. « Et le jeune Fröhling, pensez-vous qu'il soit admis ?» Treuil répondit « Ça ne se peut pas. On a beau avoir la manche large, c'est écœurant, voyons. Madame de Bouillon, pouah !»« Pauvre femme, » dit Rosette, compatissante. « Elle n'est plus très jeune, mais elle est mieux qu'elle n'ait jamais été. » « Vous êtes trop sévère pour ce garçon, monsieur de Treuil. C'est vraiment pas gentil. » Elle se souvenait très bien que 7 ou 8 ans plus tôt, un peu avant son mariage, Treuil avait lui aussi obtenu les bonnes grâces de la princesse, et elle trouvait son poids d'un goût détestable. Le baron repartit un peu piqué. « Oh, je ne suis pas sévère, je dis seulement qu'à son âge, elle devrait avoir un peu de plomb dans la tête. » Madame de Givray répondit presque tristement. « Elle en a plutôt dans l'aile, la pauvre bonne femme. » Elle voyait la grosse princesse surveiller d'un œil inquiet son petit favori, pour qui, depuis quelques instants, Madame de Vaunancourt se montrait infiniment aimable. La princesse regrettait de l'avoir présenté à cette femme coquette et désœuvrée, qu'elle ait cherché à s'amuser de lui. Elle comptait d'ailleurs sur l'amour de Samuel, et elle avait foi dans sa vertu. Pour se rassurer, elle pensait « Il est protestant ». Ce culte lui inspirait, au point de vue de la fidélité, une confiance absolue. Treuil continua, regardant Madame de Bouillon en riant. « On dira tout ce qu'on voudra, elle est grotesque. » Chagny prit à sa façon la défense de la princesse. « Grotesque, pourquoi ? C'est à cause de son nom et de son titre, et de ses toilettes mirobolantes, et de tout ça. Son malheur, c'est d'être dans un dosier quand sa vraie place serait dans un poil de coq. » Madame de Givray dit « Nous sommes tous abondamment et aimablement reçus par Madame Bouillon. Il n'est pas de femme plus hospitalière et plus cordiale. Et quand je pense à ce que nous disons d'elle dans ce coin-ci, qui est certainement un des meilleurs, je me demande ce qu'on peut bien en dire dans les autres coins. » Christiane réfléchissait. Elle se rendait compte de la curiosité intense qu'elle inspirait ce soir. Des gens qu'elle connaissait peu ou pas du tout venaient défiler devant elle. La princesse recevait le monde entier, l'examinant sans gêner comme on examine un objet. Et depuis qu'elle était entrée, 4 personnes ne la quittaient pas des yeux. C'était son mari, Madame de Treuil, M. de Morière et le père Salomon qu'elle hypnotisait positivement. Dupuis était venu, accompagné de l'inévitable Dantin, lui dire qu'elle était la reine de la fête. Le colonel de Triel, malgré les yeux furibonds que roulait à l'autre bout du salon sa femme, lui avait confié ses vues politiques pendant un temps très long. Toute la gomme avait tenu à honneur de venir la saluer. Elle était, depuis quelques heures, traitée comme Madame de Treuil et Madame de Vaunancourt l'était habituellement. Chagny lui-même, le bon Chagny, si peu complimenteur et qui savait qu'elle détestait les guirlandes, n'avait pu s'empêcher de lui dire, avec un large sourire tout plein d'admiration, « Ah ça ! Mais qu'est-ce que vous avez donc ce soir ?» L'orchestre commençait une valse. Elle vit M. de Morière assis près de Madame de Treuil se lever brusquement, tandis que la baronne le suivait des yeux, les lèvres pincées, et traversait le salon venant à elle. Elle comprit qu'il voulait valser encore. Alors elle se dressa d'un jet et prenant le bras de Chagny, « Monsieur de Chagny, je vous invite pour cette valse. »